L'écureuil. 1. Du panache, oui, sans doute. Mais, mon petit ami, ce n'est pas là que ça se met. 2. Lest à l'humeur de l'automne, il passe et repasse sous les feuilles la petite torche de sa queue.